théâtre le marron. Sous mes chaussures, je veux le marron dans mes chaussettes. C'est pas gratuit, ce genre d'action. Des bifetons à recycler, une décharge pour leur marron. Moi je le cherche pour les champignons. Je gratte les coffres plutôt que bomber le temps dans une Porsche en carton. Les chaussures sont comme une palette de peinture pleine d'éclaboussures marron. Moi cette couleur, je préfère quand ce n'est pas un pigment qui s'écrase avec le talon. L'empreinte de l'ours brun est mieux dans ta chaussette que sous ta talonnette. L'empreinte de l'ours brun est mieux dans ta chaussette, est mieux dans ta chaussette. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. Il y a trop de marron sous mes chaussures. Je veux du marron dans mes chaussettes. N'est pas là, les gens disent qu'ils sont à mouvement, mais ils ne sont pas dynamiques, ils restent statiques, ils sont juste un effet secondaire comme la pomme avec la gravité. Alors qu'il devrait être impossible vers un monde parallèle, plus par parallèle que par autre prison. N'oublie pas que depuis à plusieurs entrées, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes pour croquer son pied. Il faut que ça te monte à la tête. N'oublie pas que lui à plusieurs entrées, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes. Pour croquer son pied, il faut que ça te monte à la tête. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. Y'a trop de marron sous mes chaussures. Je veux du marron dans mes chaussettes. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. La couleur de mes pas n'est pas celle du soleil. Y'a trop de marron.